Aude, c'est ta valise ? Mais oui, maman, c'est ma valise. Ce sac, c'est à votre père ? Mais non, son sac est là, dans l'entrée, à côté de sa veste et de ses papiers. Je ne trouve pas mon passeport. Mon chéri, ton passeport est sur cette table-là avec tes clés. Ah oui. Tu as nos billets ? Oui, mon chéri, nos billets sont dans cette enveloppe. Les enfants, vos affaires sont prêtes ? Maman, je ne trouve pas mes tennis. Et ces tennis-là ? Maman, où est mon anorak ? Demandez à votre père. Moi aussi, je dois préparer mes affaires. Aude, ton anorak est avec tes affaires de sport. Regarde. Papa, finalement, je ne prends pas cet anorak. Je prends juste ma veste. Comme tu veux, ma chérie. Cette veste est un peu bizarre, non ? Comment ça, bizarre ? Ma veste est à la mode. C'est tout. Papa, elle est super, sa veste. Ah bon. Est-ce que votre mère est prête ? Presque. Ah, ils me fatiguent avec leurs questions, leurs problèmes, leurs chaussures, leurs affaires, leurs billets et leur anorak. Bon, où est mon appareil photo ? Chérie, tu as mon appareil photo ? Il est là, maman, il est dans mon sac. Quentin, tu peux m'expliquer pourquoi mon appareil photo est dans ton sac ?